Exercice 4, page 80. Sur eux. Du bleu. Du feu. Lutteuse. Deux jupes. Deux mûres. Deux brunes. Deux sucres. Deux feuilles. Deux heures. Deux fleurs. Deux meubles. Fumeur. Lutteur. Rumeur. Sculpteur.